Je vous remercie d'avoir surtout réussi à comparer des concepts et à mettre, à rapprocher hein, surtout toutes ces questions de l'exclusion, des exclusions diverses et du racisme. La question qui m'intéresse, moi, là, c'est quand même que vous appuyez un peu sur ces deux mots, communautarisme et clandestin, pour revenir sur le concept d'intégration, qui est un peu à l'opposé. Hein, et qui était aussi un des concepts de la gauche, me semble-t-il, entre les années 75 et 2002, on va dire, et qui, que j'aimerais que vous développiez, si vous pouvez, dans la mesure où ce mot intégration essayait justement de remettre dans des groupes sociaux, des classes sociales, où chacun a sa place dans la classe ouvrière, par exemple un ouvrier qui travaille est remis dans la classe ouvrière, un enfant qui va à l'école est remis dans sa classe d'âge, hein, et ça me semblait intéressant, et que tout d'un coup, eh bien, on arrive au communautarisme. Bon, alors, ce n'est peut-être pas une très bonne question, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Et puis, l'autre remarque que j'avais envie de faire comme réaction, c'était qu'effectivement, 1930, c'était aussi le moment donc, où, en psychologie et en psychanalyse, se publie « Malaise dans la civilisation ». Alors, je pensais à ça parce que Monsieur Sarkozy s'est aussi récupéré pas mal les concepts et que le mot civilisation, il est piqué à Edgar Morin, mais bon, beaucoup de gens ont travaillé sur ce thème et que vous avez insisté sur la période de la montée de toutes les violences et qu'elle me semblait importante. Le mot classe dangereuse aussi que vous avez utilisé tout à l'heure me semble intéressant puisque discutant avec mes étudiants samedi matin, on s'était rendu compte que les métiers dangereux, les travaux dangereux, si on reprend ce mot dangereux, c'est justement ces mots-là, que, enfin, c'est ce travail-là qui est réservé aux travailleurs migrants. Et que Sébastien, par exemple, me disait, moi je remarque que dans le bâtiment, eh bien, on travaille, c'est désagréable, le premier D, c'est dangereux, on est déqualifié quand on est immigré. Et c'est dégradant souvent comme métier quand il pensait au métier des femmes dans le travail domestique. Voilà. Donc c'est quelques réflexions. Vous avez parlé des représentations sociales. J'aimerais bien que vous reveniez au réel en me disant si la gauche peut reprendre de l'importance et se reconstruire. C'est peut-être autour justement de cet humain et de ce social, je ne sais pas, et ouvrir le débat là-dessus. Oui, le terme d'intégration, bon, j'en ai pas parlé. C'est vrai que dans les luttes politiques sont aussi des luttes autour des mots, et que dans la lutte entre la droite et la gauche autour de la question de l'immigration, elle a opposé justement le discours sur l'intégration et le discours d'identité nationale. Hein, ça a fonctionné comme ça. Et ce qui s'est produit, je dirais, assez tardivement, mais en 2002, après la réélection de Jacques Chirac, ça a été une sorte de consensus, on pourrait dire républicain, droite-gauche, autour de l'intégration. Et c'est d'ailleurs pour ça que Chirac a donné le feu vert pour l'ouverture de la cité de l'immigration. Hein, c'est lié. Bon. Mais le problème de la gauche par rapport à l'intégration, c'est que ce terme d'intégration, c'est un vieux concept sociologique. Hein. Moi, je l'utilisais. Maintenant, je ne l'utilise plus. Il est tellement piégé, ce mot, qu'on ne peut plus l'utiliser. La gauche, disons, s'est fait piéger. Pourquoi ? C'est parce que, entre 81 et 83, on s'aperçoit que la gauche, notamment principalement le Parti socialiste, qui est devenu le parti majoritaire, a progressivement abandonné lui-même une bonne partie du discours social. L'événement qui le montre de manière très précise, c'est les grèves des OS immigrés de l'automobile. Hein. Ils ont été lâchés, vous savez, en rase campagne par Monroy, qui a été reprendre un argument qui est l'argument classique de la droite, justement, je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'étranger qui les manipule, vous savez. Alors là, c'est devenu, c'est l'ayatollah Khomeini à l'époque, je ne sais pas, qui téléguide cette grève. Et ça, pour moi, c'est extrêmement, vraiment symbolique, parce que j'ai comparé cette période, l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec 36, avec le Front populaire, arrivée de la gauche au pouvoir. Le premier ministre socialiste en 36, c'était Léon Blum. En 81, c'était Mauroy. Et on avait eu le même débat. Parce qu'en 1936, quand il y a eu les grèves de 1936, toute la droite disait c'est Moscou. C'est la main de Moscou. C'est Moscou qui finance les etc., etc. Et à l'époque, Blum, qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'avait pas été dans ce sens-là. Au contraire, il a négocié, il a dit que c'était justifié. On a eu les conquêtes du Front populaire. Et donc en 1981, eh bien, là, on a eu un schéma, vous voyez, qui s'est inversé. C'est aussi parce qu'il y avait des divisions plus grandes dans le monde ouvrier, etc. Mais malgré tout, en reprenant cet argument visant à faire croire que des ouvriers peuvent se battre parce qu'ils sont télécommandés depuis l'extérieur, on alimentait la représentation, vous voyez, qui discréditait finalement les luttes sociales. Et c'est dans la foulée qu'on a vu Mitterrand promouvoir toute cette logique black-blanc-beurre, toute cette logique, ce que j'appelle l'ethnicisation, hein, avec la mode beurre, etc. C'est-à-dire la liquidation du terme travailleur immigré. C'est à ce moment-là que ça se produit. Hein. Donc, on a eu une construction, y compris à gauche, d'un schéma qui occultait la dimension sociale. Donc, le discours sur l'intégration, ça devenait quoi? Il était privé de toute référence sociale. Donc, c'était toujours les immigrés qui ne s'intègrent pas, mais ça ne veut rien dire. Ces gens-là, la plupart étaient nés en France, etc. Donc, la gauche elle-même se plaçait sur un discours de droite, et du coup, le vocabulaire de l'intégration a été discrédité, parce que c'est devenu une sorte d'insulte. Ouais, les gens, ça s'arrête, on leur dit « vous n'êtes pas intégrés, vous n'êtes pas intégrés, vous n'êtes pas intégrés ». Au lieu de dire « il y a des problèmes sociaux », enfin, on mettait ça sur le compte de l'origine, sur le compte de l'immigration, et c'est ce qui explique que ce vocable d'intégration, il a été discrédité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est abandonné pratiquement par tout le monde. Hein. Est-ce que je peux me oui. permettre une question? J'ai vu un film absolument magnifique que je vous conseillerais d'aller voir, qui s'appelle La Commune, qui dure 3 heures, hein, et qui reprend le début de la presse et la manière dont la presse va répandre des bruits ou des faux bruits, hein, par rapport donc à toutes ces questions. Et surtout, oui, je vais vous donner la parole, monsieur, et le lien entre ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, au moment de la Commune, et ce qui s'est passé en France. Et ce qui m'intéresse dans votre travail, c'est justement la mémoire et l'expérience de vérité que vous essayez de démontrer. Donc toute cette partie que vous êtes en train d'expliquer, je crois que vous devriez insister sur ces apports de la Commune en tant qu'historien, parce que c'est un moment passionnant dans l'histoire de notre pays. Mais je crois qu'on devrait tous voir ce film-là. C'est extrêmement éducatif et les 3 heures passent. Et c'est ce que vous racontez. Hein, on voit l'interculturel. On voit que depuis toujours, l'immigration a existé, que les gens ont pris la parole, ont essayé de la prendre en tout cas. On voit bien ce vote hein, dont vous parlez, la démocratisation, la citoyenneté qui apparaît. Et c'est superbe. Et c'est fait par un Anglais, donc c'est très bien parce qu'il y a beaucoup plus d'objectivité, j'ai envie de dire. Il dit ce que des Français n'auraient jamais osé dire ou auraient caché. Et c'est là-dessus que vous vous opposez sur le mensonge de l'histoire, en fait. Hein, et vous rétablissez cette vérité. Je vous ai coupé la parole, peut-être bêtement, oui. Mais... Non, mais je pense que les mutations fondamentales sont produites dans les années 1880, donc après la Commune. Bon, je ne peux pas ouvrir un débat là-dessus, mais la Commune, justement, si vous voulez, au moment de la Commune, 1870, vous aviez à peu près des lecteurs de quotidien, du journal quotidien, vous aviez à peu près 1 million de lecteurs. 25 ans après, vous en avez 10 millions. Vous avez donc une mutation extraordinaire. Hein. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Sous la Commune, les gens qui étaient intégrés à la civilisation du journal, comme on disait, c'était des gens qui habitaient les villes. Et c'est pour ça, la Commune, c'est encore un phénomène de révolution urbaine. C'est la tradition de la Révolution française, des artisans. Ce n'est pas les ouvriers de la grande industrie, si vous voulez. C'est encore cette culture de résistance artisanale, des gens qui vont souvent être après anarcho-syndicalistes, par exemple. Ils ne vont pas se retrouver dans une nouvelle forme de syndicalisme qui apparaît à la fin, avec à la fin du XIXe siècle, avec Jules Guesde, avec même la naissance de la CGT, etc. Donc, voilà, il y a la nationalisation de la société française. Elle se produit, je dirais, 10 à 15 ans après la Commune. Mais bien sûr, ça n'empêche pas, tout ce que vous dites est vrai, sur déjà à l'époque, le traitement de l'information, etc. Mais le problème majeur qui va se poser désormais, ça, pour les journalistes, ça va être la conquête d'un marché. Et c'est là qu'on voit vraiment le capitalisme pénétrer dans le monde de la presse. Je crois qu'il y avait une question, non ? Je conçois que dans une conférence, par rapport à vos ouvrages, vos recherches, vous êtes obligé forcément de simplifier, hein, je dis bien simplifier, hein, des situations qui sont quand même infiniment plus complexes. Bon, concernant la presse, bon, très vite, bon, alors vous avez effectivement, c'est les grands journaux d'économie capitaliste qui, c'est, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait aussi dire que, alors d'une part, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on voit apparaître que les romans, les grands romans du 19e siècle, que ce soit Jeanne Sue, Mistress de Paris, Victor Hugo, Balzac, Pachin, etc., au départ, paraissent en feuilleton dans cette presse, entre parenthèses, capitaliste. Bon, ce n'est pas complètement négatif non plus, ça c'est une chose. Et puis, face à cela, il y a aussi à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, tout un fourmillement de journaux, si vous voulez, à la fois satiriques et puis des différents courants. Il n'y a pas un monolithisme tout de même de la presse. Bon, alors quelquefois ils sont arrêtés, censurés, machin. Mais il y a, bah, si on parle, bon, le journal anticlérical, La Lanterne, bon, le Charivari, l'Assiette au beurre. Enfin, il y a toute une foultitude de presse, si vous voulez, dont qu'il faudrait évoquer aussi, si vous voulez. C'est pas complètement monolithique. Bien, ce serait intéressant aussi de parler quand même. Lorsqu'il revient d'exil après la Commune, d'un journaliste comme Jules Vallès, par exemple. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même personnel. Mais on ne va pas refaire la conférence. Oui. Alors, non, il faut poser une question. Je ne pose pas la question, mais je veux dire... C'est intéressant de voir un autre point de vue. Je veux dire que j'ai trouvé que votre présentation sur certains points était infiniment trop simpliste. Alors, quant à l'antisémitisme par rapport à l'affaire Dreyfus, je pose la question, il y a eu un antisémitisme aussi au sein de la gauche et de l'extrême gauche, dont on pourrait parler aussi. Voilà. Oui. Bon, je ferme la parenthèse. Je reviens à l'actualité. J'aimerais que vous nous disiez, par rapport au projet de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Bon. Qui sont partis, etc. Mais est-ce qu'un projet de cette nature, pas comme ça se présente là, est-ce qu'un projet de cette nature n'aurait pas dû être étudié, réfléchi, pensé par la gauche, qu'elle n'a jamais tellement envisagé ? C'est fort dommage. C'est une question, ça, par contre. D'accord. Alors, on va peut-être prendre plusieurs questions. Hein, ça serait peut-être intéressant, oui. Madame, et puis monsieur. Yes. Et après, Gérard va répondre et on reprendra une série de questions. Oui, j'aurais voulu avoir votre avis sur l'utilisation du mot rafle, parce qu'il y a très peu personnes osaient l'utiliser pour l'actualité, c'était complètement tabou. Or, depuis les rafles de Belleville, les militants qui sont sur le terrain ont commencé à en parler, en tout cas à l'oral, puis après c'est passé à l'écrit, et maintenant il y a de réelles discussions, est-ce qu'on a le droit ? Et je voulais savoir aussi si l'utilisation de ce mot peut nous faire du tort ou nous porter préjudice, ou comme vous dites qu'il y a des mots qui sont trop chargés de sens. Vous avez bien une question aussi, monsieur ? Puis on va après vous pourrez répondre. Hein. Oui, bonjour. Moi, j'aurais deux questions également. La première, c'est par rapport. Vous avez beaucoup parlé du Front National, et donc vous avez souligné qu'aujourd'hui le Front National, contrairement à un certain nombre de ses autres avatars d'extrême droite, avait accepté la compétition politique. Mais quand on étudie un petit peu plus près le Front National, on se rend compte que finalement, il a conservé un certain nombre d'autres caractéristiques traditionnelles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, de l'extrême droite, et que par exemple, sur le préambule de la Constitution de 1946, il propose un référendum, et que le préambule de 1946, contenant un certain nombre de libertés fondamentales de la République, ben, finalement, peut-être qu'il s'est peut-être pas éloigné, éloigné finalement des références théoriques de base de l'extrême droite, peut-être pour ces raisons-là. Donc ça, c'était la première question que je voulais vous poser par rapport à ça. Et simplement, sur ce que vous avez dit sur l'intégration, je voulais savoir si on pouvait pousser la logique un peu plus loin, puisque moi, j'ai vu... enfin, c'est par rapport à notamment des sociologues comme Abdelmalek Sayed, qui ont postulé que les discours sur l'intégration étaient des discours contre l'égalité. En ce sens qu'ils étaient mis en place et qui montraient justement une des faiblesses, à mon avis, graves de la gauche et qui participaient de cette ethnicisation de la politique, dans la mesure où justement il y avait finalement une négation d'une partie d'eux-mêmes qui était constitutive, comme vous avez pu le montrer, de ce qu'était la France aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Mais... On va peut-être répondre à ces trois questions, c'est jouable. Oui, je peux, oui. Ouais. Simplement, je voulais préciser, et je vous renvoie à mon livre, puisque j'ai fait plusieurs chapitres là-dessus, que quand j'analyse la presse, j'analyse un processus qui est toujours contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une monopolisation, une tendance à la monopolisation de l'information. Donc, si vous raisonnez sur le nombre de personnes, de lecteurs, hein, vous avez des rapports de force qui se constituent. Donc, vous avez ce double processus qui est contradictoire, mais qu'il faut analyser ensemble. D'un côté, une tendance à la monopolisation, c'est le passage, je disais, à la fin du XIXe siècle, à la presse de masse, avec quatre grands journaux qui contrôlent la moitié des lecteurs français, donc de l'époque. Et puis, en même temps, une multiplication, effectivement, de petits journaux, une diversification de la presse. Donc, si vous êtes pour ou contre la presse, si vous êtes contre, vous allez voir la monopolisation, en disant, voyez, c'est le monopole de la pensée unique, etc. Mais à l'inverse, si vous voulez défendre le libéralisme, vous allez dire, regardez, on n'a jamais eu autant de liberté d'expression. C'est exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui. Vous avez d'un côté une centralisation de l'information avec les chaînes télévision, par exemple, le 20h, etc. Puis en même temps, avec Internet, etc., vous avez une multiplication des possibilités d'expression. C'est ces deux phénomènes qu'il faut analyser en même temps et qui expliquent aussi une des choses dont je n'ai pas parlé tout de suite, mais c'est l'atomisation de l'opposition aussi. L'atomisation des causes et la mise en concurrence des causes. L'une des stratégies du dominante qui s'est développée et qu'on a vu notamment au moment de l'affaire du voile, qu'on a appelé l'affaire du voile, ça a été la mise en concurrence de causes légitimes. Hein, l'antiracisme contre le féminisme, par exemple. Alors que dans la période antérieure, ces causes se conjuguaient. Donc ça, c'est aussi des phénomènes qui sont rendus possibles par les mutations du champ journalistique ou médiatique. Voilà, donc, votre remarque m'a permis de préciser ça. La question de la cité de l'immigration, est-ce que la gauche aurait pu penser... Il se trouve que des gens comme moi, ils ont pensé la question de la cité. Mes premiers travaux là-dessus, ils datent de 1987-88. Je me considère quand même plutôt à gauche qu'à droite. Mais les partis n'ont pas suivi. Alors, je peux vous dire pourquoi, les problèmes qu'on a rencontrés. Quand on a créé l'association, moi, après mon livre « Le creuset français », on a créé une association pour un musée de l'immigration. J'ai fait ça avec un militant qui s'appelle Zahir Kedadouche. On a fait cette association, on a été voir les gens, les fonctionnaires, ceux qui avaient le pouvoir de décision. C'était la gauche à l'époque, c'était le deuxième septennat de Mitterrand. Bon, eh bien, effectivement, c'était jamais le bon moment. Quand on allait les voir et que le Front National était au centre de l'actualité, on nous rigolait au nez, on nous disait « Mais qu'est-ce que vous venez nous voir avec votre musée ? Vous croyez que c'est ça qui va résoudre le problème ?» Bon. Et puis quand c'était une période où on ne parlait pas du Front National, on disait « Vous n'allez pas remettre ça sur le tapis. » Vous voyez, voilà. Et ça, je crois que ça a été un des facteurs qui a expliqué la lenteur. Maintenant, je pense qu'à gauche, on regrette de ne pas avoir saisi l'opportunité. Mais il y a aussi d'autres facteurs qu'il faudrait analyser. C'est, par exemple, les contradictions du monde associatif. Il faut voir aussi qu'il y a des enjeux aussi là-dedans. Il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de légitimité, des querelles institutionnelles, par exemple. Pour la direction des musées de France, ils voyaient, et encore aujourd'hui, ils voyaient d'un mauvais œil un musée d'immigration. Ce n'était pas considéré comme faisant partie du bon patrimoine, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire comme collection, etc. Donc, je ne veux pas, là, je n'ai pas le temps et je n'ai pas fait l'étude, hein, mais je dirais, en tant qu'acteur, j'ai ressenti, si vous voulez, tous ces facteurs, vous voyez, qui se conjuguaient et qui retardaient les choses. Et c'est tout à fait... ça a été le mérite de Jacques Toubon, en l'occurrence, et aussi parce qu'il bénéficiait du soutien enfin, du chef de l'État, de pouvoir dépasser ces contradictions et, je dirais, à marche forcée, de mettre en route la machine. Bon, voilà. Donc, effectivement, là, il y a eu un déficit, je pense qu'on peut le dire, de la part de la gauche, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La notion de rafle, alors là, c'est un bon exemple, je dirais, en tant que sociologue, de l'enjeu des mots, vous voyez, l'usage des mots. Le mot rafle, il existait déjà avant Vichy, etc. Donc ceux qui disent on ne peut pas utiliser le mot rafle parce que on fait de l'amalgame avec Vichy, je ne pense pas que l'argument soit complètement convaincant. Bon, dans l'usage des mots, je dis l'usage militant des mots, hein, il faut distinguer. Moi, je suis partisan qu'on distingue les vocabulaires selon les activités. Le vocabulaire du chercheur, ce n'est pas la même chose que le vocabulaire du militant. Ça peut se recouper, mais enfin, qu'on puisse utiliser des mots pour sensibiliser l'opinion, pour frapper fort, comme on dit, je pense que les militants auraient tort de se priver de ces ressources, voyez. Et que moi, je ne me sentirais jamais le droit, en tant que chercheur, d'aller pinailler en disant « mais ce mot-là », etc., etc. Bon, il y a des situations aujourd'hui qui, c'est vrai, ça existe, je veux dire, de reconduite à la frontière, etc., qui évoquent les situations de rafles des époques les plus sombres, la guerre d'Algérie ou autres, même si la situation n'est pas la même, même si, Dieu merci, la société a évolué dans le bon sens au niveau des fonctionnements de la démocratie, il y a toujours des gens aujourd'hui qui cumulent sur leurs épaules, effectivement, toute la répression policière d'État. Je veux dire, c'est une réalité. Donc, qu'on puisse utiliser ce terme, moi, franchement, ça ne me choque pas. Alors maintenant, il y a un usage, il y a effectivement l'enjeu. Parce que vous avez aussi des gens qui vont mener la contre-offensive là-dessus, en disant « mais vous n'êtes pas objectif, vous exagérez ». Vous savez, c'est tout le discours qu'on a eu aussi autour de la diabolisation de Nicolas Sarkozy. Vous savez, ce thème de la diabolisation, ça peut avoir aussi un impact dans l'opinion. Donc il faut se demander, est-ce que l'usage de ce mot, et là on est en plein dans la réception, finalement ne va pas avoir des effets contre-productifs ? Est-ce que ça va vraiment élargir la solidarité à l'égard des sans-papiers ou est-ce que ça va l'affaiblir ? C'est ça la vraie question, à mon avis, hein, plutôt que de se dire « je vais avoir une définition », vous voyez ? Donc voilà, c'est par rapport, et ça, c'est ceux qui sont sur le terrain qui peuvent mesurer l'impact de tel ou tel terme. Le référendum, et je dirais oui, le fait même qu'il propose un référendum qui est quand même de l'ordre du vote, non pas de la violence physique, prouve que il y a une évolution par rapport à l'extrême droite des années 30. Mais moi, je suis en fait tout à fait, c'est pas pour atténuer, je dirais, la gravité du phénomène, hein, mais parce qu'effectivement, on peut très bien, on sait aussi, par exemple, le parti nazi a été élu, hein, les nazis en 32, ils sont sortis des urnes. Enfin, je veux dire, l'élection n'est pas en soi une garantie. Voilà ce que je veux dire contre les formes violentes de subversion, quand vous avez un engrenage qui peut se constituer. Donc là-dessus, oui. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse surtout de montrer, c'est que la violence sociale, la violence de rue qui existait à l'état quotidien en France dans les années 30, aujourd'hui, elle n'existe plus. On n'a plus la politique ne se règle plus à coups de poing ou à coups de fusil dans la rue. C'est ça que je voulais souligner. Et Sayad, quand il dit que l'intégration, c'est une notion qui est contraire à l'égalité, bien sûr, c'est aussi ce que j'ai montré dans mon travail, si vous voulez. On ne peut jamais isoler intégration d'un autre mot qui est le mot exclusion. C'est les deux aspects d'un même phénomène. Vous avez toujours les deux. Si on intègre, c'est par définition des gens qui ne le sont pas au départ. Donc il y a bien une inégalité. Et ce qu'il faut souligner par rapport à l'immigration, c'est que l'exclusion a précédé l'intégration. Je vais vous prendre un petit exemple que j'ai étudié dans un livre sur l'histoire des réfugiés et du droit d'asile. Sous la monarchie de Juillet, justement, eh bien, la France a accueilli beaucoup de réfugiés, notamment des Polonais, des gens qui avaient donc qui s'étaient soulevés pour l'indépendance de la Pologne, puis qui avaient subi la répression. Ils sont venus en France. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de politique d'intégration. Ça, c'est sûr. Le mot n'était même pas utilisé. Mais il n'y avait pas d'exclusion non plus. Ce qui fait que ces gens-là, il y en a qui ont trouvé, ils ont trouvé du travail. Souvent, ils avaient fait des études, c'était les classes moyennes, comme médecins. Tous les premiers professeurs de langue qu'on a eu en France, c'était des gens qui venaient de ces milieu de l'asile, etc. Parce qu'il n'y avait pas de protection. Il y avait la notion de fonction publique, de protection du marché du travail, etc., national, n'existait pas. Donc, vous voyez, il y avait une logique libérale, on pourrait dire, au sens fort du terme, qui fonctionnait. Cette logique a été abandonnée par la Troisième République. Et sous la Troisième République, vous avez d'abord eu un processus qui vise à exclure les étrangers du marché du travail, et dans un second temps, des politiques qu'on appelle d'intégration. Mais historiquement, vous avez d'abord un processus d'exclusion et ensuite un processus d'intégration. Donc ça, faut, souvent, les gens l'oublient. Hein, puis on oublie aussi autre chose, c'est intégrer à quoi ? Intégrer comme ça, ça ne veut rien dire. Les gens s'intègrent à un groupe. C'est ça la base de la sociologie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la sociologie, ont lu Émile Durkheim, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants en première année. Bon, eh bien, Durkheim, il oppose l'intégration à l'anomie. L'intégration et l'anomie, c'est les deux. Mais intégrer, ça veut dire s'intégrer à un groupe. Mais il y a une multitude de groupes auxquels on s'intègre. Les gens qui ne sont pas intégrés, on n'en entend pas parler. Le premier critère pour définir la non-intégration, l'anomie, c'est l'invisibilité. C'est les vieux travailleurs, par exemple, dans les foyers, etc., ou les gens qui, à partir du moment où vous avez une visibilité, c'est que vous avez déjà mis le doigt dans un engrenage d'intégration, ne serait-ce que dans des groupes de quartier, les bandes de quartier ou quoi que ce soit. Mais donc ce discours sur l'intégration comme ça dans le vide, sur le plan sociologique, il n'a aucun sens. Il faut toujours préciser. Nous, on ne pardonnerait pas à un étudiant de maîtrise de parler de l'intégration comme ça sans dire à quel groupe il fait référence. Donc ça, évidemment, c'est là qu'on voit comment le vocabulaire, là, il n'a pas de sens d'un point de vue social. Il est comme ça, c'est des réflexes, c'est un vocabulaire politique. Bon. Mais d'un point de vue scientifique, sociologique, ce terme d'intégration, il ne peut être référé qu'à des groupes précis. Alors à partir de ce moment-là, on aura le problème du marché du travail, le problème de la sociabilité, le problème, bon, une multitude de problèmes, mais qui n'ont rien à voir avec l'immigration ou indirectement. Bon, est-ce qu'il y a une autre série de questionnements ? Oui. Et une des mesures qu'on pourrait envisager, ce ne serait pas aussi de créer un nationalisme progressiste ? Parce que vous nous avez dit que le discours nationaliste était de droite, voire d'extrême droite, puis un petit peu aussi de gauche. Mais moi, je pense, par exemple, dans certaines périodes de l'histoire, la France, elle a été porteuse de valeurs. Et ces valeurs, elles n'ont pu naître que parce qu'il y avait une nation. S'il y avait eu des intérêts comme ça épars, c'est pas sûr que ça aurait eu autant de succès. Et en plus, je voulais demander, c'est un petit peu embêtant par rapport à la mondialisation. Si on fait disparaître complètement l'idée de nation, et par rapport à la mondialisation, on devient quoi alors ? On est tous des consommateurs, on travaille, on consomme. Comment on peut organiser des luttes sociales dans une telle dans un tel contexte ? Et dans quelle mesure certaines choses, par exemple, certains discours par rapport à l'intégration ou à l'immigration, c'est pas aussi lancé par les médias pour qu'on évite de solidariser les gens autour des luttes sociales, parce que quand même la situation sociale des uns et des autres, elle n'est pas toujours très brillante en ce moment. Donc la question, c'est que faire ? Il y a un monsieur là-bas qui pose une question, qui a envie de poser une question. Sadok, oui. Oui, moi je voudrais vous poser une question pour vous demander d'apporter, si possible, une précision, ou un peu d'analyse, si vous voulez, sur le problème de l'exclusion-intégration et communautarisme. Ma question serait de dire, est-ce que la diabolisation du communautarisme n'est pas la réponse à un réflexe d'autoconservation, je dirais, de ces exclus, pour se manifester, se maintenir en tant que communauté organisée à côté d'un système oppressif et excluant et exclusif. Et là, je vous laisse imaginer tout ce que ça impliquait, le retour à la langue, à la culture, à la mosquée, à la prière, au ramadan. Par rapport à une valeur solidarité de groupe, c'est voilà, ça ? Voilà. De soutien social de groupe. Voilà. Et je pense que si le terme communautarisme n'est pas peut-être aussi néfaste, aussi nuisible, si on le sort de ce dialogue, de ce discours de l'extrême droite et sarkozyenne. Voilà. D'autres personnes ? Une troisième question pour ce petit panel-là. Oui, moi, ma question, elle rejoint un peu les précédentes, c'est-à-dire ce que j'aimerais... tout à l'heure, vous nous avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que l'un des défauts de la gauche, ça avait été, notamment à partir des années 85, disons, le tournant 84, après le gouvernement Mauroy, ça a été d'évacuer le social. C'est-à-dire on ne parlait plus des travailleurs immigrés, on ne parlait même plus de la classe ouvrière. Ça devenait presque obscène de parler du monde ouvrier. Voilà, il y a eu une atomisation. Alors c'est vrai qu'il y a eu des phénomènes objectifs. Il y a eu effectivement, vu que vous connaissez bien la sidérurgie, il y a eu tous les licenciements massifs dans la sidérurgie. Donc tout un pan de la classe ouvrière qui s'est retrouvé... complètement désarmés et sans travail, mais c'est exact, c'est aussi le cas dans l'automobile. Hein. Faut pas oublier qu'ici, à Gennevilliers, chez Chausson, il y avait 10 000, au moins 10 000 OS. Aujourd'hui, c'est des friches industrielles sur lesquelles on fait des immeubles. Voilà. Et puis, dans toute l'île de France, c'est exactement pareil. Alors, ma question, elle est comment... Parce que moi, je crois que, fondamentalement, par rapport au problème, si problème il y a, que ce soit en banlieue ou ailleurs, c'est la question du social. Et je crois que ces questions d'intégration, si on ne donne pas aux jeunes, notamment, une perspective d'avenir dans une société qui ne soit pas exclusive, justement, eh bien, c'est par rapport en redonnant au social toute sa dimension. Bien. On va répondre à cette série. Moi, je partage assez ce qui est dit sur cet apport sur l'immigration, mais je suis aussi d'accord pour ceux qui ont lu La gauche et les cités là, d'Olivier Masclé, l'analyse qu'il fait là-dessus. Mais c'était pour revenir sur la notion de nation, parce que ça, je ne l'ai pas vu beaucoup dans beaucoup d'analyses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'y compris dans le côté progressiste, y compris une vision nationale progressiste, a bien empêché les révolutionnaires français de voir l'immigration beaucoup comme des salariés sur le côté travailleurs. Et par exemple, à partir des années 20 jusqu'à dans les années 60, l'idée dans le mouvement ouvrier que ces travailleurs immigrés avaient vocation à retourner au pays, et donc soit ne serait-ce que d'ailleurs pour soi-disant développer leur pays, ou pour faire la révolution dans leur pays, et que cette idée-là a empêché... quelque part, d'imprégner la classe ouvrière française sur l'idée que c'était des travailleurs en France, des travailleurs qui pouvaient s'installer en France, et donc une classe ouvrière unifiée autochtone. Ce qui explique les histoires après de quotas dans les logements, de quotas et d'une immigration maltraitée qu'analyse ensuite Olivier Masclé dans La gauche et les cités. Enfin, ce qui pourrait expliquer. Moi, j'explique ça simplement comme ça. J'ai sûrement tort. Bon, on va répondre, enfin, Gérard va répondre à cette série-là, et puis on verra après, parce que si on complique trop les questions, on ne peut plus répondre. Moi, ce que je voulais dire, moi, je n'ai pas vocation à répondre aux analyses, disons, de type politique, parce que j'ai souvent écrit que les chercheurs, ils n'avaient aucune lucidité particulière sur les questions politiques. C'est la grande leçon que j'ai tirée, moi. De tout ça, c'est que les intellectuels ont passé leur temps à se tromper. Donc moi, ce que je fais, c'était pour essayer de clarifier ou d'éclairer un contexte d'une manière évidemment ou souvent critique, mais ce n'est pas pour voyez apporter des réponses, des solutions. Je n'en ai pas plus que tout citoyen. Mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à la première question qui était posée, première remarque plutôt qui était faite, est-ce qu'il est possible de concevoir, d'organiser des luttes sociales sans contexte national ? Moi, je crois que non. Historiquement, les luttes sociales se sont développées dans le cadre d'un État jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un des gros problèmes, d'ailleurs. C'est que vous avez une mondialisation du capitalisme, vous n'avez pas une mondialisation de la résistance. Au capitalisme, vous savez très bien, c'est une des contradictions majeures du mouvement ouvrier. Marx, bon, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, et regardez ce qui s'est passé après. Jaurès, lui aussi, pacifiste, il en a même mort, le pauvre. Et puis en 14, vous avez l'Union sacrée. Qu'est-ce que c'est que l'Union sacrée ? C'est un ralliement de la classe ouvrière à la nation et au nationalisme, pour le coup. Donc on a beaucoup de périodes dans l'histoire, effectivement, où le mouvement ouvrier, disons le monde ouvrier organisé, a été dans une position contradictoire, ambiguë ou même contraire à ses idéaux internationalistes. Et l'une des grandes caractéristiques de l'histoire du monde ouvrier français, ça a été l'ampleur du clivage entre deux composantes du monde ouvrier. Une fraction du monde ouvrier qui correspond, je dirais, à la classe ouvrière qualifiée et nationale, et l'autre fraction, déqualifiée et immigrée. Hein, on pourra ajouter le cas de l'immigration coloniale, qui est évidemment pas tout à fait le même que celui des immigrés étrangers, hein, mais qui a aussi joué dans le même sens, c'est-à-dire pour attiser les formes de division et de concurrence à l'intérieur du monde ouvrier. Alors, moi, je suis peut-être plus... moins sévère que beaucoup de mes collègues avec le comportement des partis politiques. Je connais bien Masclay, j'ai lu sa thèse, j'ai vu ce qu'il dit ici sur Gennevilliers, enfin, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que si vous voulez, bon, ben voilà, quand vous faites de la politique, vous allez affaire à un électorat, vous allez affaire à des gens. Ces gens, ils ont des représentations dans la tête. Bien sûr, il faut essayer de les corriger, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez... La politique, c'est du rapport de force. Et vous avez des gens... On constate souvent dans l'immigration, les deuxièmes générations, par exemple. Ils en ont bavé, ils ont été humiliés, etc. Et puis, ils s'intègrent, comme on dit, ou comme on ne dit plus. C'est-à-dire, ils se font leur trou, quoi, tout simplement. Ils ont leur boulot, leur job, ils sont hantés par qu'est-ce que vont devenir nos enfants, etc., etc. Et puis, vous avez les mutations du système capitaliste et les stratégies patronales, parce que ça, c'est quand même quelque chose de constant, hein, qui... renouvelle, qui amène donc une nouvelle main-d'œuvre qui vient d'envoyer d'un autre pays, etc., qui est ressentie, reçue comme des intrus, etc. Et tout le mécanisme de la Dieu et nous va se reconstituer à l'intérieur. Voyez. Et moi, ce que je dis, c'est pour ça que j'ai commencé mon livre par une référence à Marcel Proust. Hein, parce que Marcel Proust, voilà, quelqu'un qu'il faut lire, il nous explique aussi que finalement, les racines de base de ce qu'on appelle le racisme, etc., c'est aussi dans le fonctionnement de notre propre cerveau, voyez. Et c'est pour ça que... Mais évidemment, si on a été bien éduqué, bien élevé, etc., on n'aura pas ces réflexes de rejet de l'étranger, etc., mais par rapport à ce qu'on est, par rapport aux valeurs auxquelles on croit, voyez, il y aura ces mécanismes, Dieu et nous, de supériorité, de concurrence, il habite là, il a mis son gosse dans telle école, il a... La vie sociale est faite de ce genre de choses. Je veux dire, on ne peut pas le nier, tout le monde le sait. Donc vous voyez que lorsque se conjuguent ces réflexes, hein, d'identité au sens personnel, c'est-à-dire de positionnement, de défense de ce qu'on est, d'angoisse, de la menace, parce que vous avez habité un quartier où tout le monde vous dit que ce quartier est déclassé, que le prix du mètre carré diminue, ou je ne sais pas quoi, enfin, toutes ces choses qui alimentent quand même constamment le discours, eh bien, voyez comment ça peut se connecter très facilement avec un rejet. Voilà. Donc, bien évidemment, vous comprenez que ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est pour essayer d'expliquer les mécanismes, d'expliquer la difficulté qu'ont toujours eu les partis à base ouvrière. C'était la même chose, c'est ce qui s'est produit déjà dans les années 20. Qu'est-ce qui s'est produit dans les années 20 ? En 1914, le Parti socialiste, qui avant la guerre de 14 était un parti révolutionnaire, enfin extrêmement engagé, c'est avant la guerre de 14 que les luttes sociales ont été les plus fortes de toute l'histoire de France. Bon, l'Union sacrée... Une intégration des ouvriers et de la CGT aussi à l'État. Participation à la guerre, etc. Après la guerre, on continue le système de l'Union sacrée et ce sont les syndicats qui rentre dans des logiques de recrutement des immigrés. Hein, c'est le système d'organisation tripartite où les syndicats... Bon. Donc vous avez à ce moment-là un clivage majeur qui se constitue entre cette classe ouvrière française intégrée et puis la nouvelle classe ouvrière qui arrive, qui est faite de ces immigrés italiens, polonais, etc., etc., qui sont complètement exclus. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? C'est que dans la crise des années 30, eh bien, cette classe exclue s'est brutalement mobilisée, politisée, et c'est le Parti communiste qui l'a... focalisé, qu'il a dirigé. Donc c'est, le Parti communiste doit énormément par le fait à l'immigration. Mais vous voyez, ce clivage et le Front populaire, c'est pour ça que le Front populaire, c'est un moment très important, c'est le moment où ces deux composantes du monde ouvrier se réunissent. Et quand elles se réunissent, ça fait mal, hein, je veux dire, pour les patrons, les dominants, etc. Donc après la guerre, on voit, vous savez, c'est le discours patronal qui était de dire qu'il faut contourner les forteresses ouvrières, de même qu'on a délocalisé les entreprises, installer les usines, vous savez, le flin, etc., dans des endroits qui n'avaient pas de tradition politique, recruter en masse une main-d'œuvre immigrée pour casser aussi cette logique. Vous voyez, donc ça, on a des mécanismes là. Ce sont des mécanismes qui, objectifs, et les partis, bah, il faut qu'ils gèrent aussi avec ça. Et puis bon, bah, voilà, plus ou moins intelligemment, parce qu'il y en a qui gèrent mieux, qui ont plus la sensibilité, etc. Mais je veux dire, voilà, il y a des mécanismes très, très forts dans le système capitaliste qui expliquent la reproduction de ces choses-là. Donc oui, les luttes sociales, elles se font à l'intérieur aujourd'hui de la forme État, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut valoriser, je crois, la défense de la nation, etc., parce que ça se retourne, à mon avis, toujours contre les luttes sociales. Alors, c'est un peu, finalement, on peut prolonger ça avec la question du communautarisme. Ce qui pose problème, c'est le mot « enisme », hein. Le terme communautarisme, il veut dire politisation sur la base d'une communauté. Hein, c'est politisation, c'est le passage au politique. C'est pas l'existence en soi d'une communauté. Puisque, si vous voulez, on a une multitude d'études qui prouvent que les immigrants sont toujours dans une situation de déracinement quand ils arrivent dans le pays où ils doivent travailler, souvent un double déracinement. Parce que souvent des gens qui venaient du monde rural aussi, on oublie cette dimension-là, qui se retrouvent projetés dans un monde urbain, etc. Bon, plus la nationalité, la langue, le travail d'usine, etc. Eh bien, la tendance universelle, c'est de se regrouper dans ce qu'on appelle l'entre-soi. Hein. Donc, c'est le phénomène de regroupement qui se produit. Alors, si on appelle ça communautarisme, bon, ben, je vais dire, on peut, mais ça n'a aucun sens du point de vue des réalités, parce que... toutes les études montrent aussi que les immigrants de première génération, ils sont dépolitisés la plupart du temps. Hein. C'est des gens qui sont, je dirais, corvéables et malléables à merci, comme on dit. C'est souvent des gens qui, justement, les ouvriers syndiqués, verront ces nouveaux immigrants d'un mauvais œil. Ils vont dire ils cassent les grèves, ils ne font pas grève, ils sont bons. Donc, il n'y a pas de politisation à ce moment-là dans les premières génération. Alors après, ce qui se passe, c'est ce qui a été étudié par rapport aux États-Unis, mais je pense que c'est pareil en France, vous avez le processus à la deuxième génération de sortie du ghetto, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, bon, un processus de... une partie de l'immigration quitte le milieu social de leurs parents, accède à un niveau économique supérieur, change de quartier, etc., etc. Bon. Mais... ce qui se passe dans les périodes de crise, ça a été étudié par exemple par rapport à l'immigration juive aux États-Unis dans les années 30 hein, notamment. C'est que à la fois la crise économique bloque les possibilités de mobilité sociale, alors ça c'est le phénomène majeur qui se produit avec la crise des années 80 pour les enfants des dernières immigrations, et puis de l'autre côté la stigmatisation, c'est-à-dire le fait constamment de montrer du doigt ces immigrants, crée des réflexes de repli sur soi. Hein. C'est des phénomènes de protection. Donc on constate par exemple qu'aux États-Unis, il y a un repli de cette immigration juive à la deuxième génération, à l'intérieur de la communauté, un retour du religieux, etc. Ça, c'est des phénomènes qui ont été observés dans un très grand nombre d'endroits. Vous voyez. Et donc, c'est pas du tout ça à mettre sur le compte du contexte international, de l'islam, etc. Je veux dire, il y a une logique sociale qui... est présente, elle peut être évidemment accentuée, enfin je ne nie pas la possibilité qu'elle soit accentuée par tel ou tel contexte, mais ce sont des phénomènes donc sociaux. C'est pour ça, et ça, Sayad, par exemple, l'avait bien montré, quand il disait que, finalement, la stigmatisation a pour effet de renforcer l'appartenance identitaire, c'est-à-dire d'obliger, par presque, de priver les individus du choix. Voilà, c'est ça le pire, je dirais. Vous voyez, ils n'ont même plus le choix de se déterminer librement, en choisissant l'identité qu'ils veulent, parce que le regard extérieur les enferme dans une position d'étrangeté. D'où l'importance, évidemment, du travail contre cette logique de stigmatisation. Donc à partir de là, c'est ce qui peut expliquer des phénomènes qui ont été observés, mais qui ont été considérablement grossis par les journalistes, etc., mais avec la crise économique, un certain nombre de personnes ont pu se replier dans leur groupe d'origine ou dans leur religion, etc. En même temps, c'est presque parfois une opération de survie, c'est-à-dire c'est une manière de survivre. Alors évidemment, moi, je vous dirais qu'en tant que citoyen, ça ne me paraît pas être la bonne solution, hein, parce que là aussi, on voit les tendances aujourd'hui au niveau mondial, avec ce retour du religieux, comme on dit, qui est souvent un peu hypocrite d'ailleurs, hein, faut bien le dire, mais qui, quand on voit aujourd'hui, enfin dans l'élection, enfin la campagne électorale américaine, la place que prend le religieux, les vieux laïcs comme moi, ou les défenseurs de l'esprit des Lumières, ont tendance à se dire, mais bon, où on va ? Ça peut être souvent lié à l'obscurantisme, la remise en cause de Darwin, etc. Bon, enfin, je passe. Donc voilà. Est-ce que ces phénomènes ont autant d'importance qu'on le dit ? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'il faut aborder aujourd'hui et qui peut expliquer un certain nombre de phénomènes. Voilà, donc le dernier point, c'était par rapport à la question du mouvement ouvrier. Bon, ça, j'y ai répondu, les formes de division interne au mouvement ouvrier. Alors, évidemment, ça, je crois aussi qu'on peut dire, c'est que maintenant, ce dont j'ai parlé, là, je crois qu'on peut le situer au passé. Parce que, qu'est-ce qui va se produire dans les années qui viennent ? Eh bien, ce qui est certain, c'est que l'immigration va repartir, va reprendre. Vous savez, ça fait déjà des années que les experts de la Commission européenne, pardon, au niveau européen, parce que beaucoup de choses se jouent au niveau européen, plaident pour un développement de l'immigration. Donc il y a aussi une sorte d'hypocrisie politique par rapport à tout ça. Il y a quelques années, j'avais participé à un truc au niveau comme ça avec des experts. Bon, bah, au niveau européen, bon, bah, y en avait qui mettaient le doigt sur ce phénomène suivant. C'est qu'aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, l'immigration n'a jamais été aussi importante que dans les années 1990. Donc tout récemment. Hein. Et en même temps, c'est l'époque où le chômage a été le plus bas et le taux de croissance a été supérieur de loin aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc les libéraux qui aujourd'hui ont le vent en poupe disent « mais faisons comme aux États-Unis, hein. Abaissons les frontières, laissons entrer l'immigration ». Donc parce que dans la logique, par exemple américaine, c'est si vous avez le tiers-monde à l'intérieur de chez vous, ça facilite les choses. Donc ça, c'est un vrai problème. Moi, je ne tranche pas, mais on constate historiquement qu'effectivement, la protection des frontières, et on revient à ce qui était dit tout à l'heure sur le rapport au national, la protection des frontières a été de pair avec l'acquisition de droits sociaux. C'est un phénomène. Donc le national et social vont ensemble. Et que donc, parfois, les gens qui sont hyper libéraux, ils seront favorables à l'immigration quelque part. Donc, vous voyez, parfois, la complexité des phénomènes. Hein. Donc, c'est une donnée dont il faut tenir compte, c'est-à-dire faire attention de ne pas alimenter, vous voyez, des logiques qui peuvent finalement se retourner contre un certain nombre de personnes avec un discours un peu généreux, etc. Mais moi je ne propose pas de solution, encore une fois, mais on constate qu'effectivement, il y a un lien entre la logique donc, de droits sociaux et la logique de protection des citoyens de la nation. Et c'est la base même de la République, ça. Bien. Est-ce qu'il y a des questions rentrées ? Qui sont, par exemple, dans des pays où la tomate ne devrait pas pousser. Alors... qu'est-ce qui... Ils touchent des subventions pour exporter. Ils vont exporter leurs tomates jusqu'en Afrique, à Dakar. Ce qui fait que les gens, les petits producteurs locaux, sont, ne peuvent même pas les concurrencer. Et après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que de laisser leur champ et de tenter l'immigration? Donc on voit que si on n'a pas toutes les solutions, il y en a quand même quelques-unes, en tout cas quelques causes de problèmes et de difficultés qui apparaissent. C'est pas seulement dans le cerveau de tout le monde. Hein. Il y a aussi certains qui ont des cerveaux, plus financiers, quoi. Ils ont un coffre fort. Mais là, moi, j'ai insisté sur les représentations, mais je ne suis pas idéaliste. Hein. Je pense que les intérêts économiques sont décisifs, fondamentaux, et que c'est évident. D'ailleurs, dès la fin du 19e siècle, parce que la fin du 19e siècle, c'est la première grande crise du capitalisme. C'est un mécanisme comme vous le décrivez, sauf qu'il n'est pas encore mondialisé. Mais vous avez la fin de tout ce qu'on appelait la pluriactivité en France, les petits pays, la complémentarité, etc., en raison de l'internationalisation des marchés, du rapport de force, etc. Donc ça, c'est évident. Et là-dessus, il faut être capable aussi de construire des formes de résistance qui se transcendent le national. C'est là qu'est la difficulté. C'est la solidarité ouvrière entre l'Afrique et la France, par exemple, où elle est, vous voyez. C'est donc extrêmement difficile, parce qu'autrement, si vous n'avez pas de résistance collective, eh bien, le jeu de concurrence, ça marche toujours. Vous mettez en concurrence les gens, et comme les gens, ils luttent pour leur survie, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc, voilà, c'est les mécanismes de concurrence qui sont inhérents au capitalisme, qui sont... qui explique, à mon avis, ces phénomènes. Mais pour les contrer, il faut de la solidarité. Et la solidarité, ça demande de l'organisation. Et aujourd'hui, on a un décalage entre une vie politique qui est toujours structurée sur une base nationale, une économie, une culture, les médias, le cinéma, etc., qui sont déjà, eux, mondialisés. Donc vous avez une tension qui explique aussi qu'un certain nombre d'individus puissent vouloir immigrer, je veux dire, en fonction de la destruction aussi de leur système de valeurs, etc. Donc là-dessus, mais c'est pas nouveau comme phénomène. Ça fait longtemps qu'on les luttes anti-impérialistes, etc., qu'on le sait qu'il faudrait développer les formes de solidarité au-delà de l'État-nation, mais même au niveau européen. Regardez la faiblesse des formes de réaction, de résistance, c'est vraiment flagrant. On est dans l'Europe, pareil que les deux tiers des lois auxquelles on obéit sont finalement dépendants de l'Europe. Et puis, voilà, on n'est pas capable de s'organiser à cet échelon-là. Donc, alors que le capitalisme, lui, est déjà largement organisé sur une base mondiale. Donc vous avez une telle disproportion dans les formes de lutte, si vous voulez, que... C'est la loi du plus fort. Comment voulez-vous que ce soit autrement? Je veux dire, sans être cynique, c'est compréhensible du point de vue de l'analyse. Mais ce n'est pas ça qui suffit à nous rassurer et à nous réconforter. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que les syndicats, les partis politiques devraient s'emparer de la question forte du travail et de la santé au travail. On discutait samedi avec un de mes étudiants qui est DRH dans le bâtiment et qui expliquait, par exemple, bon, on est en Europe, mais si on est ouvrier portugais et qu'on vient travailler en France en sous-traitance, il n'y a aucune protection sociale alors que le Portugal est dans l'Europe. Donc il y a une circulation de l'argent, hein, pour être un peu rapide, et des marchandises, mais la circulation des hommes et des femmes dans des conditions correctes, dignes et de protection de leur santé n'existe pas, hein, et qu'il y a des... Alors je ne parle pas de la question de la circulation des enfants avec un esclavage nouveau, et y compris sexuel, dont on n'a pas parlé dans le cadre de l'immigration, hein, parce qu'il se passe des choses assez terrifiantes à Paris, qu'on peut regarder, hein, qu'on peut observer comme ça. Quand, bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis un peu choquée. C'est tout le débat, enfin, si vous voulez, autour des clandestins. Vous savez que ce mot clandestin, en fait, c'est une insulte, hein, au départ. C'est une insulte qui a été diffusée par l'extrême droite dans les années 30 pour désigner donc des individus en situation de non-droit. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Et aujourd'hui, c'est presque passé dans le langage courant. Donc là, vous voyez, on revient à la question des mots. Et là, le problème, il est complètement inversé dans le discours dominant. Les clandestins sont présentés comme ceux qui nous menacent, alors qu'en fait, eh bien, évidemment, ils sont dans une situation d'exploitation. Puisqu'en fait, si vous savez très bien qu'il y a toute une série d'entreprises qui vivent, regardez dans le bâtiment, etc., avec cette main-d'œuvre, parce qu'elle est sans droit, donc elle peut être sous-payée, etc., etc. Donc l'un des enjeux, et d'ailleurs, bon, on le voit, vous savez que ce ministère, donc Hortefeux, vu un peu les résistances qui s'étaient faites jour, eh bien finalement, c'est intitulé « Ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du co-développement ». Donc ils ont repris ce terme dans le co-développement qui était porté hein, par les militants, etc., pour dire eh bien, la solution à l'immigration, c'est de développer ces pays au lieu de renforcer constamment leur appauvrissement. Mais c'est détourné enfin, du sens initial, puisque finalement, ça devient... on vous donne un peu de sous si voyez, vous mettez votre population dans des camps pour qu'ils bougent plus, quoi. Donc, si vous voulez, c'est quand même pas mal de gens travaillent là-dessus aujourd'hui, mais ça, c'est quand même quelque chose, moi, que je trouve assez incroyable. C'est le déplacement des personnes, c'est la base de l'humanité, c'est la base des civilisations. Les civilisations, depuis le début de l'humanité, eh bien, sont faites à partir des échanges et des déplacements de personnes. Aujourd'hui, on n'a jamais eu tant de moyens techniques pour bouger, pour se déplacer. Les gens qui font partie des pays riches comme nous, on peut... Ça devient difficile maintenant, hein, avec la biométrie, etc. Mais enfin, on voyage de plus en plus. L'industrie du voyage est devenue une industrie florissante. La France, premier pays mondial pour le tourisme et tout. Bon, donc on valorise les déplacements d'un certain point de vue. Et puis, les trois quarts de la planète, parce qu'ils vivent dans la pauvreté, on leur interdit le droit de se déplacer. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même incroyable hein, du point de vue des valeurs, disons, humanistes. Et ce qui est encore pire, c'est qu'en toute bonne conscience, on puisse voir des hommes politiques aujourd'hui donc véhiculer ce discours qui colporte, vous voyez, les stéréotypes et qui renverse, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réalité, c'est-à-dire qu'ils présentent ces personnes comme une menace, comme des gens qui viennent nous prendre notre travail, etc., alors que la réalité est tout à fait inverse. Donc là, il y a un gros déficit. Il y a un gros déficit. Moi, je n'ai pas parlé, par exemple, des luttes qu'on a menées autour de l'enseignement, par exemple. Hein. Par exemple, moi, j'avais fait une analyse dans un de mes livres des manuels scolaires. Bon, ben, dans les manuels scolaires, jusqu'à la période récente, vous n'avez rien sur l'histoire des migrations, absolument rien. Hein. Moi, j'ai participé à deux commissions. Là, encore, on va faire le procès de la gauche. Mais j'ai participé à deux commissions dans les années 80. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. L'une, quand Chevènement était ministre d'éducation. Une autre, quand Jospin était ministre d'éducation. On nous a fait bosser, etc. On a fait des beaux rapports. Ces rapports ont fini dans des tiroirs. Ça n'a absolument rien changé. Parce que vous avez un mastodonte qui s'appelle l'Éducation nationale. Et un corps qui s'appelle l'Inspection générale, etc., etc. Et voilà. Donc, je vais dire, sur le droit d'asile, qu'est-ce que vous avez dans les manuels scolaires? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour défendre le droit d'asile? Le droit d'asile, bon, moi par ailleurs, je suis président d'une association d'aide aux intellectuels réfugiés, donc c'est aussi une cause que je défends particulièrement sur le plan militant, mais la France a été un grand pays du droit d'asile. Hein, le droit d'asile, il a été fixé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dans une constitution en 1793. C'est Robespierre, mais il n'a jamais été appliqué cette constitution, mais quand même, il faut la rappeler. Bon. Ça a été repris après par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ONU, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est que le discours officiel français, c'est de se mettre à la remorque des pays les plus conservateurs en la matière. Et on nous dit qu'on va défendre l'identité nationale. Mais au moins, si l'identité nationale, c'était défendre ses valeurs de la République, on pourrait dire au moins ça a un sens, on défend des choses positives. Mais non, mais là, du coup, on fait le contraire. Là, on se met... dans le lot commun, si vous voulez, des solutions les plus rétrogrades, ce qui fait que le droit d'asile, il a pratiquement disparu aujourd'hui, disparu. C'est même plus une cause que défendent les intellectuels. Regardez, au XIXe siècle, Michelet, Victor Hugo, Anatole France, c'était l'une des causes essentielles qui défendaient. Hein. Eh bien, aujourd'hui, on trouve que, les Juifs, c'était des vrais réfugiés, alors qu'à l'époque, c'est... La police disait, j'ai travaillé dans les archives là-dessus, à l'époque, dans les années 30, disait que 90% des Juifs qui fuyaient l'Allemagne, c'était des faux réfugiés. Hein. Donc le discours sur les faux réfugiés, c'est une constante. Donc on nous dit aujourd'hui que les gens qui sont persécutés en Afrique ou en Asie, etc., sont aussi des faux réfugiés qui viennent. Donc vous voyez, ça, c'est dur à accepter de voir la répétition de ce genre de choses et de voir la faiblesse de l'action. Et il y a une responsabilité de l'éducation nationale par rapport à ça. Il n'y a plus du tout cet enseignement civique qui devrait permettre aux enfants de connaître toutes ces questions-là. Et là, bon, je pense malgré tout que grâce à la Cité de l'immigration, je le dis d'autant plus que j'ai démissionné de ces instances dirigeantes, eh bien, les choses vont quand même changer, je pense, dans l'enseignement de l'histoire, en tout cas, par rapport à ça. Merci beaucoup.